L'actualité à Nancy et ailleurs. Le samedi 8 septembre va se dérouler à Bainville-sur-Madon la troisième édition du Roquefort Fest. Et pour nous en parler, eh bien, on accueille Tony. Bonjour Tony. Bonjour. Tony qui représente l'association Artichaut qui s'occupe de ce festival. Troisième édition déjà cette année. Eh oui. Vous pensiez que ça allait arriver jusque-là déjà quand vous avez lancé l'idée du festival ? Honnêtement, on l'espérait, mais on s'y attendait pas. Sincèrement, on l'espérait, mais bon, c'est vrai qu'on était surpris de l'engouement du public. Parce que mine de rien, entre la première et la deuxième édition, on a triplé le nombre de festivaliers. Combien alors c'est l'année dernière ? L'année dernière, on était à 600 festivaliers sur site. Alors, la première édition, on était à 200. Bien sûr, donc, mais c'était la première édition. Bah, voilà. Il y a un objectif particulier, de toute façon, il y a un maximum, on ne pourra pas le déplacer. Oui, c'est ça. Donc, de toute façon, l'enceinte du fort est fait que tel quel, il y a un nombre maximum de public à ne pas dépasser. Alors, je ne l'ai plus en tête, je crois que c'est 1500 personnes. Le Roquefort Fest 3ème édition, on va planter un peu le décor. Justement, on a dit que c'est Bainville-sur-Madon, vous avez parlé d'un fort. Ouais. C'est où exactement, à quoi ça ressemble ? Donc, à Bainville-sur-Madon, sur le plateau, donc, qui est partagé entre Bainville-sur-Madon et Pont-Saint-Vincent, on a un ancien fort militaire qui s'appelle le Fort Pélissier, qui est connu aussi sous le nom de Fort Aventure, maintenant, pour ses activités d'acropierre. C'est un ancien fort militaire, perché à plus de 400 mètres d'altitude, donc voilà, le cadre avec le vieille pierre et la vue est plutôt sympa. Ça commence donc samedi à partir de 17h. 17h, c'est ça, le 8 septembre, à partir de 17h. L'objectif du festival, c'était avant tout la musique ? Oui, le plaisir de la musique. Et puis notre association, elle œuvre depuis 2014 principalement en soutien technique aux communes et aux autres associations pour leurs événements tels que des fêtes communales, des concerts caritatifs. Donc nous concrètement on arrive, ben voilà, on leur propose de la lumière, de la sonorisation. Et puis voilà, on avait envie d'avoir notre événement à nous, notre petit bébé quoi. Voilà, l'association Artichaut hein, qui est derrière, on peut la reciter. Vous êtes combien pour organiser un tel rendez-vous ? Eh ben, on est à peu près de moins de 10 membres. Moins de 10 membres ? Ouais, ouais. Donc, c'est un projet un peu fou. Effectivement. Donc, ouais, on essaye de faire une belle soirée avec nos petites mains, quoi. Donc, pour le coup, il y a de quoi faire. Et il y aura du monde sur place, hein. Alors, déjà les festivaliers, mais aussi les groupes. Alors, qu'est-ce qui va se passer samedi 8 septembre ? Donc, je l'ai dit, ça commence à 17h jusque tard dans la nuit. Jusqu'à 3h du matin, voilà. Voilà. Les groupes. Et la musique qui reste au cœur hein, de cet événement. Ouais. Pas mal de groupes hein, représentés, dont une tête d'affiche, bien sûr, mais je vais vous laisser présenter tout ça. Donc, le festival, il se coupe en deux scènes. Donc, une petite scène qui est à l'intérieur du fort. Sur cette petite scène, on aura les groupes Acetate, Aya, Adamantin et Jam. Et on a également une seconde scène, la grande scène, comme on a l'habitude de l'appeler. Cette scène, c'est la scène-là qui est bord falaise à 400 mètres d'altitude. Et sur ces grandes scènes, on en recevra l'école d'Aminche, Dogenstyle pour la clôture, qui est un peu plus hard rock. La Petite Sœur, anciennement Les Amis de ta femme, qui est un groupe bien connu de la région également. La Petite Sœur, c'est celle qui te remet en selle, qui te fait marrer quand... The Nucleus Project et The Teen Spirit Experience, qui reviennent déjà pour la seconde fois, il me semble, sur notre festival. Donc c'est exclusivement des groupes lorrains, à l'exception de notre tête d'affiche, comme on peut appeler ça couramment, qui est Elmer Footbeat. Ils viennent tout droit de Nantes pour jouer leur célèbre tube, Daniela, La caissière de chez Leclerc, ou Le plastique c'est fantastique, donc c'est un groupe qui colle bien à l'image du festival. Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux, nous l'affirmons, ça compresse. Qu'est-ce qui va se vivre à côté de la musique sur place ? Il y aura d'autres activités, hein, parce que du coup c'est un festival qui se fait familial aussi. Il y aura des jeux en bois présents déjà sur le site, et puis par exemple le ventre à glisse qui était déjà présent. Donc si le temps le permet, j'invite tous les festivaliers de venir avec leur maillot de bain pour profiter de faire quelques glissades avant de la fin de l'été. Quoi. Un mot côté pratique, on l'a dit, c'est à Bainville-sur-Madon, Fort Pélissier. Mm-hmm. Côté tarif, ça se passe comment ? Alors les tarifs sont de 10€ sur le site internet, donc en pré-vente, www.roquefortfest.com. Et ils seront de 14€ sur place et gratuits pour les moins de 12 ans. Et on propose aussi un camping qui est gratuit. Si on est trop fatigué le soir, il vaut mieux rester dormir sur place. Ça, c'est une bonne solution. Gratuit pour les moins de 12 ans. Oui. Donc, ça se veut aussi assez familial familial. Rendez-vous. Hein. Ouais, on peut familial. Y aller en famille sans problème. Sans problème, il y a des activités. Pour oublier la rentrée, par exemple, c'est l'occasion de passer un bon moment à l'occasion de cette troisième édition du Roquefort Fest. Donc, avec Elmer Footbeat. On n'est pas peu fiers de les annoncer. Ouais, c'est facile de faire venir un groupe comme ça. Oui. Ouais, ils ont répondu présent, il n'y a pas eu de problème. Et puis voilà, je pense que ça, leur style colle bien à l'image de notre festival, quoi, festif et la déconnade, quoi. Un dernier mot peut-être pour te donner envie de venir vous voir et de participer à cette troisième édition. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ne connaissaient pas déjà, peut-être Ce festival, voilà, comme je le dis, on le fait voilà, avec le nombre de personnes qu'on aime, mais on garde aussi un esprit écologique et local, comme se veut beaucoup de festivals maintenant. Oui. Donc par exemple, je vais citer la restauration et la buvette, le vin qui vient de Moselle, les jus de fruits, la charcuterie des plateaux apéritifs, les fromages de chèvre, tout ça vient exclusivement de la région. Le site internet, je vous laisse donner l'adresse si on veut aller en pré-vente. Donc le site c'est www.rockforfest.com. Merci beaucoup Tony. Mais je vous en prie, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.